Mesdames, messieurs, ce prologue n'est pas de l'auteur. Sans doute sera-t-il surpris de m'entendre. La tragédie dont il nous a confié les rôles est d'une marche très délicate. Je vous demanderai donc d'attendre la fin pour vous exprimer si notre travail vous mécontente. Voici la cause de ma requête. Nous jouons très haut et sans filet de secours. Le moindre bruit intempestif risque de nous faire tuer, mes camarades et moi. Un salon dans la villa d'Orphée. C'est un curieux salon. Il ressemble pas mal au salon des prestidigitateurs. Malgré le ciel d'avril et sa lumière franche, on devine ce salon cerné par des forces mystérieuses. D'abord, dans un box en forme de niche, habite un cheval blanc. Dans une autre petite niche, que du laurier encadre, se dresse un socle vide. Une porte ouvre sur un jardin, et une porte-fenêtre donne sur une terrasse qui entoure la villa. Contre le mur, un vaste miroir, une bibliothèque, une porte s'ouvre sur la chambre d'Eurydice, deux tables et trois chaises meublent la pièce. Des fruits, des assiettes, une carafe, des verres, pareils aux ustensiles en carton des jongleurs sur une table recouverte d'une nappe. Orphée consulte un alphabet spirit. Eurydice est assise près de la table servie. Je peux bouger? Attends encore une seconde. Il ne tape plus. Il met quelquefois très longtemps entre la première lettre et les autres. On prévoit les autres. Je t'en prie, n'est-ce pas? Avoue que ce mot revient toujours. M. M. Cheval, continue. Allons, vite. Après la lettre M. Je t'écoute. Quelle patience. Toi qui n'as aucune tête, tu en trouves pour ton cheval. J'écoute. Allons, cheval. M. M. Après M. Tu bouges. Tu vas parler. Parle. Dicte-nous la lettre après la lettre M. A. B. C. D. E. E. C'est la lettre E. Naturellement. Chut. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. Je te défendrai. C'est bien la lettre R, M-E-R, mère. J'ai mal compté. Cheval, est-ce bien la lettre R? Si c'est oui, frappe un coup. Deux, si c'est non. N'insiste pas. Écoute, je te demande en grâce de te tenir tranquille. Rien ne dérange ce cheval comme les personnes incrédules. Va dans ta chambre ou tais-toi. Je n'ouvrirai plus la bouche. Tant mieux. Mère. Mère. Et après, mère. M-E-R, mère. J'écoute. Parle. Parle-moi, cheval. Cheval, allons, un peu de courage. Après la lettre R. A. B. C. C. La lettre C. La lettre C, chère madame. A. B. C, D, E, F, G, H, I. Merci. Merci. C'était merci. Est-ce tout? Est-ce merci tout court? C'est formidable. Tu vois, Eurydice, avec ton esprit mal tourné, j'aurais pu te croire. J'aurais pu avoir la faiblesse de me laisser convaincre. Merci tout court, c'est formidable. Pourquoi?

Dépêchons-nous. Où madame veut-elle composer ça? Par terre, n'importe où. Azrael vous expliquera. Azrael, mon manteau. C'est la peur de me tromper qui me fait faire des bêtises. Vous ne pouvez pas prendre en deux jours le métier d'Azrael. Azrael est à mon service depuis plusieurs siècles. Il était comme vous au début. Ma blouse. Prends les boîtes de métal et mets-les sur la table. Non, d'abord les serviettes. Couvre la table avec les serviettes. Azrael vous dira que j'exige l'ordre, la propreté comme sur un bateau. Oui, madame. Que madame me pardonne, mais j'étais distrait, je regardais ce cheval. Il vous plaît, ce cheval? Oh oui, madame, beaucoup. Quel enfant. Je suis sûre que vous aimeriez l'avoir, c'est très simple. Azrael, alcool. Vous trouverez un morceau de sucre sur l'autre table. Oui, madame, il y est. Donnez-le-lui. S'il refuse, je le lui donnerai moi-même. Azrael, mes gants de caoutchouc. Merci. Madame, le cheval refuse le sucre. Mange, cheval, je le veux. Et voilà. Il est à vous. Madame est trop bonne. Il y a encore une semaine, vous pensiez que j'étais un squelette avec un suaire et une faux. Vous représentiez un croque-mitaine, un épouvantail. Oh, madame. Si, si, si, tous le croient. Mais mon pauvre garçon, si j'étais comme les gens veulent me voir, ils me verraient et je dois entrer chez eux sans être vu. Azrael, essayez le contact. Il marche, madame. Parfait. Raphaël, voulez-vous avoir l'obligeance de me bander les yeux avec ce mouchoir? Nous avons une onde 7 et une zone 7-12. Réglez tout sur 4. Si j'augmente, vous irez jusqu'à 5. Ne dépassez 5 sous aucun prétexte. Serrez fort, faites un nœud double. Merci. Vous êtes à vos postes. Je commence. Azrael. Chut. Parlez, parlez, vous ne me dérangez pas. Azrael, où est Eurydice? Je m'y attendais. Tu vois, Azrael, tous la même question. Explique-lui. La mort, pour toucher les choses de la vie, traverse un élément qui les déforme et les déplace. Nos appareils lui permettent de les toucher où elle les voit, ce qui évite des calculs et une perte de temps considérable. C'est comme pour tirer un poisson dans l'eau avec une arme à feu. Si vous voulez. Azrael, prépare-moi la bobine. Oui, madame. Madame, c'est elle où est Eurydice? Il ramène Orphée de la ville. S'il court, aurons-nous le temps de finir? S'il regarde Azrael, il change de vitesse. Une heure pour moi doit être une minute pour eux. L'aiguille dépasse 5. Madame, veut-elle la bobine? Amorce-la et donne-la-moi. Azrael entre chez Eurydice et revient avec la bobine. Donne. Merci. Vous y êtes? Partez! 1, 2, 3, 4. Le fil s'échappe de la chambre et entre dans la boîte tenue par la mort. 9, 10. La mort s'est ruée dans la chambre et elle en ressort avec une colombe qui se débat. Ouf, vite, vite, Raphaël, les ciseaux! Et venez ici, coupez! La colombe s'envole. Rangez la bande. Azrael, montre-lui, c'est très simple. Laisse-le faire, il faut qu'il apprenne. Tout est en place, madame. Et maintenant, fermez, bouclez. Je suis prête. Mon manteau. Nous n'oublions rien? Non, madame. Alors, en route. Vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas de quoi elle est capable. Ce sont des comédies pour me faire rentrer à la maison. Où est-elle? Eurydice! Elle bouille. Oh, ça, je deviens fou! Le cheval. Où est le cheval? Parti. Je suis perdu. On lui aura ouvert la porte, on l'aura effrayé. Ce doit être un coup d'Eurydice. Elle me le paiera! Halte! Vous m'empêchez d'entrer chez ma femme? Regardez. Où? Regardez à travers mes vitres. Elle est assise. Elle dort. Elle est morte. Quoi? Morte. Nous sommes arrivés trop tard. C'est impossible. Eurydice, ma chérie, réponds-moi. Inutile. Vous laissez-moi entrer. Où est-elle? Je viens de la voir assise près du lit. La chambre est vide. Eurydice! Vous avez cru la voir. Eurydice habite chez la mort. Ah, peu importe le cheval, je veux revoir Eurydice. Je veux qu'elle me pardonne de l'avoir négligée. Mal comprise. Aidez-moi, sauvez-moi. Que faire? Nous perdons un temps précieux. Ces bonnes paroles vous sauvent, Orphée. Morte. Eurydice est morte. Eh bien, je l'arracherai à la mort. S'il le faut, j'irai la chercher jusqu'aux enfers. Orphée, écoutez-moi. Du calme. Vous m'écouterez. Oui, je serai calme. Réfléchissons, trouvons un plan. Je connais un moyen. Vous? Mais il faut m'obéir et ne pas perdre une minute. Oui. La mort est entrée chez vous pour prendre Eurydice. Oui. Elle a oublié ses gants de caoutchouc. Vous allez les mettre. Bon. Mettez-les. Vous irez voir la mort sous prétexte de les lui rendre. Et grâce à eux, vous pourrez parvenir jusqu'à elle. Bien. La mort va chercher ses gants. Si vous les lui rapportez, elle vous donnera une récompense. Elle est avare. Elle aime mieux prendre que donner. Et comme elle ne rend jamais ce qu'on lui laisse prendre, votre démarche l'étonnera beaucoup. Sans doute, vous obtiendrez peu. Mais vous obtiendrez toujours quelque chose. Bon. Voilà votre route. Ce miroir? Je vous livre le secret des secrets. Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort va et vient. Ne le dites à personne. Du reste, regardez-vous toute votre vie dans une glace et vous verrez la mort travailler comme des abeilles dans une ruche de verre. Adieu. Bonne chance. Mais un miroir, c'est dur. Avec ses gants, vous traverserez les miroirs comme de l'eau. Où avez-vous appris toutes ces choses redoutables? Vous savez, les miroirs, ça rentre un peu dans la vitre. C'est notre métier. Et une fois passé cette porte... Respirez lentement, régulièrement. Marchez sans crainte devant vous. Prenez à droite, puis à gauche, puis à droite, puis tout droit. Là, comment vous expliquer? Il n'y a plus de sens. On tourne. C'est un peu pénible au premier abord. Et après? Après, personne au monde ne peut vous renseigner. La mort commence. Je ne la crains pas. Adieu. Je vous attends à la sortie. Ce serait peut-être long. Long pour vous. Pour nous, vous ne ferez guère qu'entrer et sortir. Je ne peux pas croire que cette glace soit molle. Enfin, j'essaie. Essayez. D'abord les mains. Eurydice! Qu'est-ce que c'est? Le facteur. J'ai une lettre pour vous. Monsieur n'est pas là. Et madame? Madame non plus. Glissez votre lettre sous la porte. Ils sont sortis? Non. Ils dorment. Qu'est-ce que c'est? Le facteur. J'ai une lettre pour vous. Monsieur n'est pas là. Et madame? Madame non plus. Glissez votre lettre sous la porte. Ils sont sortis? Non. Ils dorment. Vous êtes encore là? Eh bien, racontez vite. Mon cher, vous êtes un ange. Pas du tout. Si, un ange, un vrai ange. Vous m'avez sauvé. Eurydice? Une surprise. Regardez bien. Où? La glace. Une, deux, trois. Elle. Oui, moi. Moi, la plus heureuse des épouses. Moi, la première femme que son mari ait eu l'audace de venir reprendre chez les morts. Madame Eurydice reviendra des enfers. Et nous qui refusions un sens à cette phrase. Mon chéri, rappelle-toi ta promesse. On ne reparlera plus jamais du cheval. Où avais-je la tête? Et vous savez, Heartbeat, il a découvert le chemin tout seul. Il n'a pas hésité une seconde. Il a eu l'idée géniale de mettre les gants de la mort. C'est ce qu'on appelle, si je ne me trompe, se donner des gants. Enfin, le principal était de réussir. Attention! Qu'avez-vous? Un détail, un simple détail. Au premier moment, la chose paraît effrayante, mais avec un peu de prudence, tout s'arrangera. Ce sera une affaire d'habitude. Mais de quoi s'agit-il? D'un pacte. J'ai le droit de reprendre Eurydice, je n'ai pas le droit de la regarder. Si je la regarde, elle disparaît. Quelle horreur! C'est intelligent de décourager mon mari. Laisse! Je ne me décourage pas, il lui arrive ce qui nous est arrivé. Vous pensez bien qu'après avoir accepté cette clause, il le fallait coûte que coûte. Nous avons passé par toutes vos transes. Or, je le répète, c'est faisable. Ce n'est pas facile, non, certes, mais c'est faisable. J'estime que c'est moins dur que de devenir aveugle. Ou que de perdre une jambe. Et puis, nous n'avions pas le choix. Il y a même des avantages. Orphée ne connaîtra pas mes rides. Bravo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Vous nous quittez? Je crains que ma présence ne vous dérange. Vous devez avoir tant de choses à vous dire. Nous nous les dirons après le déjeuner. La table est mise et j'ai grand faim. Vous êtes trop de notre aventure pour ne pas rester déjeuner avec nous. Je crains que la présence d'un tiers ne contrarie votre femme. Non, Eurtebise. Le voyage d'où je reviens transforme la face du monde. J'ai appris beaucoup. J'ai honte de moi. Orphée aura dorénavant une épouse méconnaissable. Une épouse de lune de miel. Eurydice, ta promesse. On ne parlera plus jamais de la lune. C'est mon tour de n'avoir aucune tête. À table, à table. Eurydice à ma droite. Asseyez-vous. Orphée en face de moi. Pas en face. Dieu! J'ai eu raison de retenir Eurydice. Je m'installe à ta gauche et je te tourne le dos. Je mange sur mes genoux. Je brûle d'entendre le récit de votre voyage. Ma foi, j'aurais du mal à le raconter. Il me semble que je sors d'une opération. J'ai le vague souvenir d'un de mes poèmes que je récite pour me tenir éveillé et de bêtes immondes qui s'endorment. Ensuite, un trou noir. Ensuite, j'ai parlé avec une dame invisible. Elle m'a remercié pour les gants. Une sorte de chirurgien est venu les reprendre et m'a dit de partir, que Eurydice me suivrait et que je ne devais la regarder sous aucun prétexte. J'ai soif. Attention! J'ai eu une de ces peurs. Sans te retourner, mon chéri, tâte comme mon cœur bat. Oh, c'est stupide. Si je me bandais les yeux... Je ne vous le conseille pas. Vous ne savez pas les règles exactes. Si vous trichez, tout est perdu. On se représente mal la difficulté, la tension d'esprit qui exige une bêtise pareille. Que veux-tu, mon pauvre chéri, tu es toujours dans la lune. Encore la lune? Autant me traiter d'idiot. Orphée. Je laisse la lune à tes ex-compagnes. Monsieur Orphée... Je suis hiérophante du soleil. Tu ne l'es plus, mon amour. Soit. Mais je défends qu'on parle de lune dans ma maison. Si tu savais comme ces histoires de lune et de soleil ont peu d'importance. Madame est au-dessus de ces choses-là. Si je pouvais parler. Il me semble que pour une personne qui ne peut pas parler, tu parles beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Oh. Vous faites pleurer votre femme. Vous prenez garde. C'est de sa faute, elle ferait retourner un mort. La lune. Si je la laissais dire, où irions-nous, je me le demande. L'époque du cheval recommencerait. Vous exagérez. J'exagère. Oui. Et même en admettant que j'exagère. Attention. Du calme, ne pleurez pas. La difficulté vous énerve. Orphée, mettez-y du vôtre. Vous finirez par faire un malheur. Et même en admettant que j'exagère, il commence. Ce n'est pas moi. Pas toi, pas toi. Vous êtes dangereux, mon cher. Vous avez raison. Le plus simple est que je sorte de table et que je vous débarrasse de ma présence, puisque vous me trouvez dangereux. Mon ami! Orphée! Non, non, laissez-moi! Soyez raisonnable! Je serai ce qui me convient d'être! Reste! Orphée a regardé Eurydice. Celle-ci disparaît dans la glace. C'était fatal. Ouf! On se sent mieux. Quoi? On respire. Il est fou. Il faut se montrer dur avec les femmes. Il faut leur prouver qu'on ne tient pas à elles. Il ne faut pas se laisser conduire par le bout du nez. Voilà qui est fort. Vous prétendez me laisser entendre que vous avez regardé Eurydice exprès? Suis-je un homme à distraction? Vous ne manquez pas d'audace. Vous avez regardé par distraction. Vous avez tourné la tête par distraction. Je vous ai vu. J'ai tourné la tête exprès. Et je défends qu'on me contredise. Eh bien, si vous avez tourné la tête exprès, je ne vous félicite pas. Je me passe de vos félicitations. Je me félicite, moi, d'avoir tourné la tête exprès vers ma femme. Cela vaut mieux que d'essayer de tourner la tête aux femmes des autres. Est-ce pour moi, cette phrase? Prenez-la comme bon vous semble. Vous êtes trop injuste. Jamais je ne me suis permis de faire la cour à votre femme. Elle m'aurait vite envoyé promener. Votre femme était une femme modèle. Il vous a fallu la perdre une première fois pour vous en rendre compte. Et vous venez de la perdre une seconde fois, de la perdre lâchement et de la perdre tragiquement, de vous perdre, de tuer une morte, de commettre de gaieté de cœur un acte irréparable, car elle est morte, morte, remorte. Elle ne reviendra plus. Allons donc. Comment allons donc? Où avez-vous vu une femme quitter la table en criant et ne pas venir se remettre à table? Je vous laisse 5 minutes pour comprendre votre infortune. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Cette lettre sous la porte. Une mauvaise nouvelle? Je ne peux pas la lire. La lettre est écrite à l'envers. C'est un moyen de déguiser l'écriture. Lisez-la dans la glace. Monsieur, excusez-moi de conserver l'incognito. Aglaonis a découvert que l'ensemble des lettres qui commencent les mots de votre phrase « Madame Eurydice reviendra des enfers » forme un mot injurieux pour le tribunal du concours. Elle a convaincu le jury que vous étiez un mystificateur. Elle a soulevé contre vous la moitié des femmes de la ville. Bref, une énorme troupe de folles sous ses ordres se dirige vers votre maison. Les bacchantes ouvrent la marche et réclament votre mort. Sauvez-vous, cachez-vous, ne perdez pas une minute. Une personne qui vous veut du bien. Il ne doit pas y avoir un mot de vrai. Écoutez. Les tambours. Leurs tambours. Eurydice voyait juste. Heurtebise. Le cheval m'a joué. On n'écharpe pas un homme pour un mot. Le mot est un prétexte qui cache une haine profonde. Une haine religieuse. Aglaonis guettait son heure. Je suis perdu. Les tambours approchent. Comment n'ai-je pas vu cette lettre? Depuis quand l'a-t-on glissée sous la porte? Orphée, je suis bien coupable. On a glissé la lettre pendant votre visite chez les morts. Le retour de votre femme m'a saisi. J'ai oublié de vous prévenir. Sauvez-vous. Trop tard. Cachez-vous derrière les massifs. Je dirai que vous êtes en voyage. Inutile, Eurtebise. Les choses arrivent comme elles doivent arriver. Je vous sauverai de force. Je refuse. C'est fou. La glace est dure. Elle m'a lu la lettre. Je sais ce qui me reste à faire. Que voulez-vous faire? Rejoindre Eurydice. Vous ne le pouvez plus. Je le peux. Même si vous y parvenez, les scènes recommenceront entre vous. Pas où elle me fait signe de la rejoindre. Vous souffrez. Votre figure se contracte. Je ne vous laisserai pas vous perdre à plaisir. Oh, ces tambours, ces tambours. Ils approchent, Eurydice. Ils tonnent, ils éclatent. Ils vont être là. Vous avez déjà fait l'impossible. À l'impossible, je suis tenu. Vous avez résisté à d'autres cabales. Je n'ai pas encore résisté jusqu'au sang. Vous m'effrayez. Que pense le marbre dans lequel un sculpteur taille un chef-d'œuvre? Il pense, on me frappe, on m'abîme, on m'insulte, on me brise. Je suis perdu. Ce marbre est idiot. La vie me taille, Eurydice. Elle fait un chef-d'œuvre. Il faut que je supporte ces coups sans les comprendre. Il faut que je me raidisse. Il faut que j'accepte, que je me tienne tranquille, que je l'aide, que je collabore, que je lui laisse finir son travail. Esther ! Du verre blanc, c'est la chance ! La chance ! J'aurai le buste que je voulais. La glace ! Pas la glace ! N'allez pas sur le balcon. Elles vont vous écharper. Orphée! Quelque chose vole par la fenêtre et tombe dans la chambre. C'est la tête d'Orphée. Où suis-je? Comme il fait noir. Comme j'ai la tête lourde. Et mon corps, mon corps me fait si mal. J'ai dû tomber du balcon. J'ai dû tomber de très haut, de très haut sur la tête. Et ma tête. Au fait, oui, je parle de ma tête. Où est-elle, ma tête? Eurydice, Eurystheus, aidez-moi, où êtes-vous? Allumez la lampe. Eurydice, je ne vois pas mon corps. Je ne trouve plus ma tête. Je n'ai plus ni tête, ni corps. Je ne comprends plus. Et j'ai du vide. Du vide partout. Expliquez-moi. Réveillez-moi. Au secours. Au secours, Eurydice. Eurydice. Eurydice. Eurydice. Eurydice, Eurydice. Mon chéri. Eurydice, c'est toi. C'est moi. Où est mon corps? Où ai-je mis mon corps? Ne cherche pas, ne t'agace pas. Donne-moi la main. Où est ma tête? J'ai ta main dans ma main. Marche. N'aie pas peur. Laisse-toi conduire. Où est mon corps? Près de moi. Contre moi. Maintenant, tu ne peux plus me voir et j'ai la permission de t'emmener. Et ma tête, Eurydice? Ma tête. Où ai-je mis ma tête? Laisse, mon amour. Ne t'occupe plus de ta tête. Ouvrez! Qui êtes-vous? La police. Ouvrez ou j'enfonce la porte. J'ouvre! Eurystheus s'élance vers la tête d'Orphée, la ramasse, la pose sur le socle et ouvre la porte. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à ma première sommation? Monsieur le juge... Commissaire! Monsieur le commissaire, je suis un ami de la famille. J'étais encore sous le coup d'un saisissement compréhensif. Un coup? Quel coup? Il faut vous dire que j'étais seul avec Orphée au moment du drame. Quel drame? Et le meurtre d'Orphée par les vacances. Je m'attendais à cette version. Et la femme de la victime, où est-elle? J'aimerais la confronter avec vous. Elle est absente. De mieux en mieux. Elle avait même abandonné le domicile conjugal. Voyez-vous cela, greffier, veuillez vous mettre à cette table et prendre note. J'ai... Silence! Procédons avec ordre. Ne parlez que si je vous interroge. Où est le corps? Quel corps? Quand il y a crime, il y a corps! Je vous demande où se trouve le corps. Mais, monsieur le commissaire, il n'y a pas de corps. Il a été déchiré, décapité, emporté par ses folles. Raymond, je vous dispense de porter un jugement injurieux sur des femmes qui exercent un sacerdoce. Secondo, votre version est contredite par 500 témoignages visuels. Vous prétendez... Silence! Je... Silence! Écoutez-moi bien, mon gaillard. Nous sommes aujourd'hui jour d'éclipse. Cette éclipse de soleil est cause d'un formidable revirement populaire en faveur d'Orphée. On porte le deuil. On organise son triomphe. Les autorités réclament sa dépouille mortelle. Or, les vacantes ont vu Orphée paraître à son balcon, couvert de sang et criant au secours. Surprise, car elle venait sous ses fenêtres à seule fin de lui faire un charivari. Elles eussent volé à son aide s'il n'était, raconte-t-elle, et 500 bouches le racontent, s'il n'était, disais-je, tombé mort sous leurs yeux. Je me résume. Ces dames organisent un monôme. Elles arrivent au cri de conspue Orphée. Soudain, la fenêtre s'ouvre. Orphée ensanglanté s'élance et appelle au secours. Ces dames s'apprêtent à gravir les marches. Il est trop tard. Orphée tombe et toute la troupe, n'oublions pas que ce sont des femmes qui aiment crier, mais que la vue du sang effraie, toute la troupe, dis-je, rebrousse chemin. Éclipse. La ville voit dans cette éclipse la colère du soleil parce qu'on moque un de ses anciens prêtres. Les autorités s'avancent à la rencontre des femmes et les femmes, par l'entremise d'Aglaonis, racontent le crime étrange dont elles viennent d'être témoins. La ville entière voulait se ruer sur les lieux. Des mesures sévères furent prises afin de réprimer le désordre. Et on m'a dépêché, moi le chef de la police, moi qui vous interroge, et qui ne supporterai pas qu'on me traite comme un garde champêtre. Tenez-vous le pendu. Mais je ne vous... Silence, on ne vous interroge pas. Procédons avec ordre. Greffier, où en étais-je? Le buste. Je me permets de vous rappeler le buste. Ah oui. Vous êtes de la maison? Un ami de la maison. On demande un buste d'Orphée pour le triomphe. En connaissez-vous un? Celui-là, monsieur le commissaire. Il n'est pas semblant. C'est une très belle chose. De qui? Je l'ignore. Il n'est pas signé, ce buste? Non. Prenez notre greffier, tête présumée d'Orphée. Non. C'est Orphée. De cela, on est certain. Le doute ne porte que sur l'auteur. Alors, greffier, mettez tête d'Orphée par X. Vos noms, plaît-il? On vous demande vos noms. Car pour le métier, on ne me trompe pas. J'ai l'œil. Vous êtes vitrier, mon gaillard. Vitrier, je l'avoue. Avouez, c'est encore le seul système de défense qui tienne debout. Excusez-moi, monsieur le commissaire, mais si nous lui demandions ses papiers... Très juste. Vos papiers. Je n'en ai pas. Hein? Oh, oh! Vous circulez sans vos papiers? Où sont-ils? Où demeurez-vous? Je demeure... C'est-à-dire, voilà, je demeurais... Je ne vous demande pas où vous demeuriez, je vous demande l'adresse de votre domicile actuel. Actuellement, je me trouve sans domicile. Pas de papier, pas de domicile. Parfait. Vagabondage. Un ambulant. Votre affaire est claire, mon ami. Votre âge? J'ai... Je suppose que vous avez du moins un âge. 18 ans. 17 ans. 18. Né à... Une petite minute, monsieur le commissaire, je gratte le chiffre. Heurtebise, je sais qui vous êtes. Venez, entrez, nous vous attendions. Il ne manque plus que vous. Dépêchez-vous, Heurtebise. Suivez ma femme. Je vais répondre à votre place. J'inventerai n'importe quoi. Monsieur le commissaire, à vos ordres. Né à... Maison Lafitte. Maison quoi? Maison Lafitte, 2F2T. Puisque vous me dites votre lieu de naissance, vous ne refuserez plus de dire votre nom. Vous vous appelez? Jean. Jean comment? Jean Cocteau. Coq? C-O-C-T-E-A-U, Cocteau. C'est un nom à coucher dehors. Il est vrai que vous couchez dehors. À moins que vous ne consentiez maintenant à nous dire votre domicile. Rue d'Anjou, 10. Vous devenez raisonnable. La signature. Préparez une plume, greffier. Approchez. Approchez, on ne vous mangera pas. Oh. Qu'y a-t-il? Tonnerre, l'inculpé a disparu. C'est prodigieux. Prodigieux. Mais il n'y a rien de prodigieux. Je ne crois pas au prodige. Une éclipse, c'est une éclipse. Une table est une table, un inculpé est un inculpé. Procédons avec ordre. Cette porte! Impossible, monsieur le commissaire. Pour sortir par cette porte, il fallait bousculer ma chaise. Reste la fenêtre! Pour la fenêtre, il fallait passer devant nous. D'ailleurs, l'inculpé répondait. Il a répondu jusqu'à la dernière minute. Alors? Alors, je n'y comprends rien. Il faut qu'il existe quelque issue secrète, dont l'assassin. Car cette fuite nous apporte la preuve du crime. Dont l'assassin, disais-je, devait connaître l'existence. Sondez le mur! Le mur sonne plein. Parfait. Puisque ce gaillard nous brûle la politesse et se cache, ne lui donnons pas la satisfaction de le chercher sous ses propres yeux. J'ai des hommes autour de la maison! peut faire deux pas dehors sans être pris. Et s'il s'obstine, on le cernera jusqu'à ce que la faim l'oblige à sortir. Venez. Quelle histoire! Il n'y a pas la moindre histoire! Vous voyez toujours des histoires partout! Venez! Nous oublions le bus. Il ne faut pas revenir les mains vides. Prenez-le. La maison monte au ciel. Entre par la glace, Eurydice, Orphée, Eurtebise. Ils regardent leur maison comme s'ils la voyaient pour la première fois. Ils s'asseyent à table. Tu voulais du vin, je crois, mon chéri. Attends. D'abord la prière. Mon Dieu, nous vous remercions de nous avoir assigné notre demeure et notre ménage comme seul paradis, et de nous avoir ouvert votre paradis. Nous vous remercions de nous avoir envoyé Eurtebise, et nous nous accusons de n'avoir pas reconnu notre ange gardien. Nous vous remercions d'avoir sauvé Eurydice, parce que par amour, elle a tué le diable sous la forme d'un cheval, et qu'elle en est morte. Nous vous remercions de m'avoir sauvé, parce que j'adorais la poésie, et que la poésie, c'est vous. Ainsi soit-il. Je vous sers. Laissez Eurydice. Peut-être arriverons-nous enfin à déjeuner.